ねえ、この間東京で会った時すんごい寂しそうだったけど、大丈夫？ J'ai envie de vivre à l'étranger, toute ma vie j'ai déménagé. J'ai vécu en banlieue, j'ai vécu dans Paris même. J'éteins mon téléphone pour pas qu'on vienne me déranger. Donc ne viens pas m'interroger, envoie tes demandes par email. J'ai l'impression qu'on m'écoute pas. Quand ça va pas, je bouffe comme un fou. Et ces derniers temps, j'ai pris beaucoup de poids. Y'a trop déprimé quand t'es pacifiste. Alors l'actualité, ça fait un bail que je l'ai pas suivi. J'ai détesté le succès, mais faut croire que ça m'a pas suffi. Et si j'étais 100% moi-même, je ferais même pas ce film. Et des erreurs, j'en ferai sûrement d'autres. Je m'en fous de l'argent, mais je veux pas que les autres s'en fassent sur mon dos. Alors je gère ma société en mode entrepreneur. Et je m'intéresse à l'espèce comme un anthropologue. C'est dur de vivre ta passion avant que ça soit solide et rentable. T'as l'impression d'avoir sali tes rempas et t'as la pression. Ouais, ma future femme marchera avec un solitaire au bras au lieu d'un solitaire au doigt. J'ai effacé les sons qui parlaient de toi. Isolé sur un perchoir, je suis redescendu par les toits. Les yeux rivés sur le vide, j'ai envie de me voir aspirer. Je savoure vite la douleur et je te remercie de m'avoir inspiré. Le seul moyen de te posséder toi, c'est de poser des toiles pour les pigments. J'ai mélangé tes larmes et des poussières d'étoiles. J'ai été patient, réunissant chaque cils qui se détachait quand tu pleurais, pour en faire le plus joli des pinceaux. On s'est retrouvés en plongeant dans des trous noirs, c'est troublant. Si c'est pour saigner, à quoi sert d'être ouvert? Je savais plus aimer avant que tu m'aies réappris. Je déteste le rap de blanc, j'aime le rap où tu mets rien après. Les pigeons me quittent d'un air insistant, indésirable. Mais qui s'inquiète de leur existence? En haut, je me sens comme eux, on n'a pas besoin de leur assistance. En bas, de moins en moins de résistance et les résistances. Faudrait qu'on se bouge des fois. La touche est froide, repousse les faux. Vite faut une touche de fond avant qu'ils touchent tes formes. Les profs voulaient qu'on étudie. Ils avaient raison, mais on accorde peu de crédit aux vrais quand ils sortent de la bouche des faux. Ouais, c'est malheureux. Mais devant la feuille, c'est moi le roi. MC, pas besoin de triche quand l'art remplit tes rêves. Même si on veut être riche comme l'arabe littéraire. S'il y a une chance, je la prends. S'il y a une leçon, je la prends. J'ai pu traverser les frontières, mais pas comme un jeune afghan. Un petit arabe qui fait des bêtises, c'est un voyou pour la France. Un petit noir, c'est pareil. Mais quand c'est un petit blanc, c'est juste un chenapan. Au milieu de la tourmente, les dos se tourneront. Tu redescends, tes nerfs sous pile, on met la tourmente. La terre, elle est pas toute ronde. Et les rappeurs, c'est pas des grossistes, ils vont pécho comme tout le monde. Tu mens dans le son, la rue te piste. Et moi, dans le fond, je suis plutôt pisse, voire utopiste. Mais je la sens, cette putain de pisse. Envie de t'envoler quand tu vois l'actu, vois l'acté, perdu dans la voie lactée. Les gosses se tapent l'adultère, les blêmes se catapultèrent. Voilà pourquoi tu pulteres, des cheveux jusqu'à ta bulle d'air. J'attends mon frère sur le droit chemin, il est coincé dans le trafic. Si je devais attraper des voyous, j'aurais coursé deux, trois flics. Ma mère a vu naître un être humain tellement déséquilibré. Faudrait que je sois sûr d'en être hein, avant de demander ce qu'il est vrai. Quand tu vis dans le bidonville, il te reste que ta ruse. Celle-là c'est pour les petits roms comme Darius. Avant je voulais que des Nike. Le système nous rend bête, j'ai pas pris la grosse tête depuis l'époque de GoldenEye. J'ai besoin de Paris comme côté match, mais quand je marche, il faut que je me cache, porte la capuche comme côte de maille. Est-ce que le rap m'a sauvé? Tous les objets composant l'univers, les galaxies, les amas de poussière, les astres, s'éloignent les uns des autres inexorablement. Comme nous.